En temps calme, quelques averses isolées possibles, mais très rares. La tendance sera au retour de la pluie, par contre, demain soir. Température de 20 à 24 degrés. Ensuite, samedi et dimanche, on continue le rafraîchissement des températures. 16 à 19 degrés, des averses et quelques éclaircies samedi. Un temps plus sec pour dimanche. Début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Un homme libre mais affaibli devant les assises du Hainaut. Bernard Westphal, l'ancien député, était là pour la composition du jury. Le procès commence lundi. Le Liégeois se dit victime d'une boucherie médiatique. Manifestation contre la loi travail en France. Paris défile cet après-midi. Ce matin, c'est à Grenoble que les syndicats se sont mobilisés. Grenoble, siège de Caterpillar, où les leaders syndicaux ont pris la parole en soutien aux travailleurs de Gosselies. À 13h, on baptise aussi le petit panda. Il s'appelle Trésor du ciel. Tian Bao, c'est son nom. Le journal de la mi-journée avec Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. 7 hommes, 5 femmes pour juger Bernard Westphal, l'ancien homme politique comparé devant les assises pour le meurtre de son épouse Véronique Piroton. Les débats ne commenceront que lundi. Aujourd'hui, il fallait juste désigner les 12 jurés. Fabrice Gérard, Bernard Westphal était présent. Il est arrivé libre à la cour d'assises. Il est un peu plus de 9h lorsque Bernard Westphal arrive seul et à pied à la cour d'assises de Mons. Costume gris, chemise bleu clair, l'ancien député wallon a le pas lourd et le visage contracté, mais se dit soulagé que son procès commence. Oui, je suis soulagé. Il y a 2 ans que j'attends ça. 2 ans qu'on dit des choses. Je vais maintenant pouvoir m'expliquer point par point surtout. Il faut dire que plusieurs éléments du dossier ont fuité dans la presse ces derniers jours. De quoi ébranler celui qui va devoir répondre du meurtre de son épouse dans le huis clos d'une chambre d'hôtel ostendaise. Je ne vous cache pas évidemment que je suis meurtri par ce que j'ai lu sur moi ces derniers jours, ce que je qualifie de boucherie médiatique. C'est insupportable à vivre. Jean-Philippe Maillan, c'est l'avocat de Bernard Westphal. Moi, je suis écœuré par le fait que les procès se font avant les procès. Moi, je ne sais pas comment on va pouvoir encore trouver des jurés qui sont vierges de toute impression. Tous les jours, dans la presse écrite, dans la presse télévisée. Moi, je trouve ça un scandale, mais c'est votre déontologie, vous appréciez comment vous la faites. Voilà pour la mise au point cinglante. Prochaine étape, lundi, avec en point d'orgue l'interrogatoire de l'accusé. Un procès qui commence en appel aussi aujourd'hui à Bruxelles, celui de Jean-Louis Denis. Ce prédicateur musulman d'une 40aine d'années a écopé de 10 ans de prison pour terrorisme. En première instance, on le suspecte d'avoir recruté des jeunes pour le djihad. Il nie les faits et il a fait appel de ce premier jugement. On apprend aussi qu'un élève radicalisé, fiché à l'OCAM, est de retour dans son école à Bruxelles après un séjour en institution. Le jeune garçon de 16 ans attend tenté par 2 fois de se rendre en Syrie pour rejoindre les rangs du groupe terroriste État islamique. La police l'avait interpellé 1 semaine après les attentats de Paris. L'élève reste sous surveillance, mais la justice a estimé qu'il ne présentait pas de danger pour la société ni pour ses copains de classe. L'inquiétude à Rhodes-Saint-Genèse. On aurait tenté à 2 reprises d'enlever un enfant dans la commune. Selon la DH, un enfant de 10 ans dit avoir été suivi pendant 5 km en voiture. Un autre s'est fait agripper par une personne dans une voiture, mais il a pu se dégager. Hélène Maquet, les autorités prennent les choses très au sérieux. Oui, l'affaire est délicate puisqu'elle concerne des enfants. Les autorités communales et judiciaires ont donc décidé de très peu communiquer. 2 plaintes ont bien été introduites. Une enquête a été ouverte par le parquet de Alville-Vorde, mais les autorités n'établissent pour l'instant aucun lien entre les 2 affaires, ce qui voudrait dire que la voiture n'est pas la même dans les 2 cas et que les profils des suspects ne coïncideraient pas forcément. Du côté du parquet comme de celui du bourgmestre, on veut être rassurant. Il n'y a pas lieu de céder à la panique, à l'hystérie, nous dit-on. Simplement, pour les parents, restez vigilants. Les directions d'école ont été mises au courant par la police. Une nouvelle tuile pour l'emploi. L'usine de café Jacobs Dweckberg ferme son site de Grimbergen. 274 emplois sont menacés. La procédure Renault va commencer. Les syndicats parlent d'un coup de massue pour le personnel, même si la décision de la direction néerlandaise n'est pas totalement surprenante. Les travailleurs avaient déjà fait beaucoup d'efforts au cours de ces dernières années pour augmenter la rentabilité, disent les syndicats. La production de café sera répartie dans d'autres usines du groupe, mais on ne sait pas encore lesquelles. Chez ING, pas d'informations à l'issue du conseil d'entreprise de ce matin. ING emploie 8000 personnes en Belgique. Les syndicats sont inquiets, des rumeurs de restructuration circulent. Ils avaient demandé des précisions à la direction. Ils ne les ont pas obtenues. Ils ont donc décidé de quitter le conseil d'entreprise ce matin. Pascal Breyer du 7K. C'est très difficile, les gens sont vraiment en attente de plus d'informations, ils ont peur, ils ne savent pas de quoi sera l'avenir. Mais pas d'annonce pour l'instant? Non, on nous a dit que les plans n'étaient pas encore ficelés et qu'on devait attendre encore, mais bon, ça ne rassure pas les gens. Donc le Front commun a décidé on a suspendu le conseil d'entreprise en Front commun et on a suspendu également toute la concertation sociale au sein de la banque, jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations concernant les futurs plans. Parce que les rumeurs parlent quand même beaucoup de suppression d'emplois. Ça va de 1000 et parfois beaucoup plus, donc, et on ne sait pas sur quoi se baser, si c'est la réalité ou pas. Et ça crée une atmosphère déplorable au sein de la banque. Pascal Breyer du 7K à propos de la situation sociale chez ING, des propos recueillis par Odile Lehert. Faire ses courses dans les magasins, ça devient démodé. Le commerce en ligne via le PC ou via le téléphone ne cesse de progresser. Les Belges ont dépensé 4,5 milliards d'euros dans l'e-shopping durant les 6 premiers mois de l'année. Et pas seulement dans les vêtements ou les vacances, le secteur de l'alimentation enregistre la plus forte progression. De nouvelles manifestations en France contre la loi travail, la 14e manifestation en fait en 6 mois. À Paris, le cortège s'élance cet après-midi. Ailleurs, certaines manifestations se terminent, comme à Grenoble. Manifestation un petit peu particulière, hein. Grenoble, c'est le siège de Caterpillar en France. Et les travailleurs de Caterpillar étaient d'ailleurs en tête du cortège, Mathieu Van Winkel. 5000 personnes ce matin dans les rues de Grenoble en tête de cortège des ouvriers de Caterpillar qui refusent de se réjouir de la fermeture de Gosselies. Non, nous c'est la fraternité, c'est le collectif, c'est pas... Maintenant, néanmoins, je vais pas vous mentir, certains, oui, pensent comme cela, maintenant c'est un débat d'idées. Faut le faire comprendre qu'aujourd'hui c'est eux, demain ça sera peut-être nous. Les Caterpillar Grenoble et Chirol sont en soutien aux Caterpillar de Gosselies. Est-ce que vous pensez que cette fermeture en Belgique, ça vous sauve un petit temps ou alors vous dites on va être les prochains? On a autant peur qu'eux parce qu'on est sauvés, mais bon, on va récupérer un produit mais déjà qui est apparemment pas rentable. Et pour nous, ça reste du montage. Moi, personnellement, je suis usineur. Tout l'usinage va partir en Pologne. Donc on va tous nous déclasser, on va tous descendre de classification. Maintenant, ils veulent faire que du montage. Du montage, on peut le faire n'importe où. Demain, ils décideront de fermer en France, ça sera pareil. Des ouvriers grenoblois qui envoient donc un message aux travailleurs belges. Il faut rien lâcher. Il faut se battre, il faut surtout courage, quoi. On n'est pas à leur place, mais on imagine bien ce qu'ils ressentent. De rien lâcher, courage. Quoi. À l'étranger, encore la trêve reconduite pour 48 heures en Syrie. Ça fait 3 jours maintenant que les bombardements ont cessé. Cela dit, l'aide humanitaire n'a toujours pas été distribuée. Les 250 000 habitants d'Alep, par exemple, manquent de tout, et en particulier de carburant. 20 camions qui transportent l'aide sont bloqués à la frontière turco-syrienne. Il y a du foot ce soir, la Coupe d'Europe. 4 Belges sont dans la place. Anderlecht reçoit le club azéri de Kabala. Genk se rend au Rapid Vienne. La Gantoise joue au Portugal, à Braga, et le Standard accueille les Espagnols du Celta Vigo. C'est un gros morceau selon l'entraîneur du Standard, Aleksandar Djankovic. Nous, on aborde les matchs sans trop penser à ça. Chaque morceau est gros morceau, parce qu'il y a toujours les 3 points à prendre, et nous, on joue toujours avec les mêmes ambitions. Donc, on prend les adversaires comme ils viennent, on les analyse, tout en gardant la concentration sur notre propre jeu. Donc c'est une belle équipe qui joue au foot avec beaucoup de joueurs techniques, avec beaucoup de mouvements. Donc une équipe joueuse dont le moral a un petit peu été touché, l'orgueil aussi, et ça c'est normal, ça c'est logique. Ils vont certainement vouloir réagir. Des propos recueillis par Thierry Luther. Ce match à suivre bien sûr sur Vivacité ce soir. Et puis on connaît maintenant ce qui va se passer en matière de Coupe Davis en tennis. La Belgique va tenter de conserver sa place dans le groupe mondial. Les joueurs belges accueillent le Brésil à Ostende. Premier match demain. David Goffin ouvre le bal face à Thiago Monteiro. Steve Darcy sera ensuite opposé à Thomas Bellucci. C'est le bébé le plus médiatique de Belgique. Baby P, le bébé panda de Perry Daiza. Il a enfin un prénom, il vient d'être dévoilé. Lionel de Debourg, ne nous faites pas languir. Comment s'appelle cette boule de poils ? Tian Bao. Répétez Manu pour voir. Tian Bao. Voilà, ça veut dire trésor du ciel. C'est le public qui a choisi. Choix approuvé par les soigneurs chinois. Eric Dombe, le patron de Perry Daiza, nous explique la signification de ce prénom. Trésor du ciel, cela veut dire que vous avez beau déployer tous les efforts possibles et imaginables. Il faut un coup de pouce de la providence, du ciel. Et donc il y a une part importante à offrir à la chance qui est une leçon d'humilité pour chacun d'entre nous. Donc trésor du ciel, trésor tombé du ciel. Et alors le ciel, bien sûr, c'est pour la culture chinoise, c'est vraiment très très important. Donc dans un jardin chinois, fait référence, si vous voulez, à l'au-delà, était presque élémentaire. Le trésor du ciel, donc, a été plébiscité massivement, 40% des suffrages, loin devant Wally, traduisé Chine-Belgique, et Xing Hao, bonne étoile. Ce matin, même l'ambassadeur de Chine était là pour le baptême. Les pandas qui naissent hors de Chine restent généralement 2 ans dans les parcs en prêt, mais Tian Bao devrait rester un peu plus jusqu'à ses 4 ans. C'était Lionel de Debourg avec Marie Dessy. On n'a pas entendu l'ambassadeur qui devait peut-être nous dire qu'il resterait jusqu'à 4 ans. Non, vous ne nous donniez pas ce petit reportage. Merci Lionel avec Marie Dessy. Les routes maintenant avec Antoine Binamé. Et des soucis à hauteur de Cherat. Oui, des ralentissements sur le 40 Aix-la-Chapelle. Bruxelles à hauteur de Cherat au niveau du chantier vers Aix-la-Chapelle. Vous perdez actuellement une quarantaine de minutes. Ça ralentit depuis Recours. Affaissement de chaussée à Liège. Rue Natalis fermée à la circulation entre la rue Gritry et la rue Dauté. Des ralentissements également sur le ring de Bruxelles encore à cette heure-ci en circulation extérieure, Zaventem, Grand Bigard, et en circulation intérieure, Grand Bigard, Zaventem, dans les deux cas comptez une dizaine de minutes supplémentaires. Et accident à Anderlecht sur le boulevard industriel en direction du Midi, circulation ralentie à cet endroit. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, c'est la vie du bon côté, c'est avec Sylvie Honoré. Et il n'y a plus de soleil, comment on fait pour garder un bon petit teint? Vous allez nous l'expliquer. Absolument, on mange des carottes, c'est un peu ce que tout le monde dit. Eh ben on part en vacances. On verra ce qu'il en est, tiens, des carottes dans quelques instants. C'est une émission d'Hermato, en effet, qu'on vous propose. Merci Manu, l'info revient à 14h. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que je suis très heureuse de proposer une émission là-dessus alors qu'il fait encore plein soleil. À la moitié de ce mois de septembre, posons-nous les vraies questions. Posons d'abord un vrai bilan. Le bronzage de nos vacances, de ces derniers jours, s'estompera inéluctablement dans les 3 à 6 semaines qui viennent. Voilà, c'est en général une statistique qu'on pose. Bonjour Nadine Pomarède. Bonjour. Vous êtes dermatologue. Oui. Quand je dis dans les 3 à 6 semaines, oui, en général, c'est... Oui, parce qu'en fait, c'est le temps que met chaque cellule de la peau à s'éliminer progressivement sur la surface. Donc, d'accord. Effectivement, c'est ce temps-là. D'accord. Donc, c'est pour le mois d'octobre. Alors, eh bien, c'est vrai que vous aurez l'occasion de reparler peut-être de ce mécanisme de déclenchement du bronzage. Pourquoi on bronze? Pourquoi on ne bronze plus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour prolonger le bronzage? Il est temps de retrouver ou de prolonger justement ces effets vitamines sur notre peau. Bienvenue dans cette émission qui va donc répondre à vos questions. 070 23 33 23 SMS 30 63. On parlera d'hydratation, évidemment, d'hydrater la peau, d'alimentation aussi, parce que je pense qu'il y a des aliments aussi qui sont peut-être plus réjouissants, voilà, à consommer plutôt que d'autres. Quand je parle des carottes, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, ça, de manger des carottes. Eh ben écoutez, les carottes, vous avez raison, puisqu'en fait, les carottes contiennent du bêta-carotène, qui est un pigment, qui effectivement donne bonne mine. Et en plus, c'est un anti-vieillissement cutané puisque ça fait partie des molécules qui sont antioxydantes. Donc on en mange avant, pendant, après. Donc maintenant, on peut ah oui, toujours oui, faire continuez. De purée de carottes. Ça tombe bien, c'est mon repas de ce soir. Ah bah écoutez. Donc voilà, ça tombe très très bien. 070-23-33-23, 50 centimes si vous nous envoyez un message au 30-63. Est-ce que vous avez mis en place peut-être des choses déjà maintenant, avant d'être complètement débronzé, des peelings? Peut-être peeling sur le visage, peeling sur le corps. Avez-vous pensé à bien hydrater votre peau en appliquant une crème matin et soir? Le peeling, c'est vrai, les zones rugueuses aussi. Est-ce que vous insistez sur ces zones rugueuses? Je pense que vous rappellerez, Nadine, qu'il faut faire un peeling au moins une fois par an, oui? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par peeling. Oui. Le peeling superficiel qu'on fait en cabinet de dermatologie ou de peeling de gommage qu'on fait à la maison. Oui, donc, c'est deux choses qui sont oui, un peu différentes. En tous les cas, exfolier sa peau après l'été pour enlever les cellules mortes, oui, c'est un bon geste. D'accord. Bien. J'aurais plein de questions, hein, ça c'est sûr. Et vous aussi, vous allez m'aider à en poser. Encore une fois, 070 23 33 23, SMS 3063, via la page Facebook de l'émission, via l'email aussi, l'avis du bon côté. @rtbf.be. Adieu bronzage, mais surtout vive l'éclat, c'est parti. La vie du bon côté. Sur ma route. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui. Des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Sur ma route. Black M avec Sur ma route. Bah, j'espère que sur votre route, surtout ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de soleil. Donc c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui cette émission après soleil, juste pour savoir ce que vous mettez en pratique sur votre peau. Voilà, les crèmes dont vous vous servez, peut-être les vrais ou faux. Genre, vous avez entendu dire que faire ça c'était bien ou que faire ça c'était pas bien. Venez prendre la parole par rapport à ça. Par exemple, dans quelques instants, je vous poserai la question que tout le monde se pose. J'ai entendu dire que si on veut prolonger son bronzage, il faut bien hydrater sa peau. Et pas seulement une fois par jour, c'est encore mieux deux fois par jour, matin et soir. Ce genre de choses, voilà, venez vraiment prendre la parole pour conserver une belle peau pendant tout l'hiver qui va bientôt commencer, hein, l'air de rien. Nous sommes le 15 septembre, mais je dis ça, c'est de l'humour. Hein. Ah, d'accord. Non, c'est de l'humour, parce que je sais en plus qu'on annonce encore du soleil la semaine prochaine. Un peu moins chaud, mais encore du soleil. Donc, ne vous inquiétez pas, on va encore en profiter. Bien. Comment faire pour préserver l'éclat de sa peau ? 070 23 33 23, SMS 30 63. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage. 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Ce samedi et ce lundi chez Bricot, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Bricot. Moins 15% avec la carte Mon Bricot. Demandez-le en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Bricot. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina. .be, c'est bien pensé. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises, le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique, les dos qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go. Wouh. N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. La 2 en télé. Rentrez en rire et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur la 2. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Nadine Pomared, elle est dermatologue. Nous parlons de ses conseils peut-être dermato pour prolonger l'éclat d'une peau bien vitaminée, d'une peau bronzée malgré tout, et rendre à notre peau l'éclat qu'elle mérite. Alors justement Nadine, pourquoi on bronze? C'est quoi le bronzage? Parce qu'on a peut-être tendance à oublier la vocation première du bronzage. Bah, le bronzage, en fait, c'est une protection contre le soleil, en fait. Sauf que certains ont une bonne protection, d'autres ont une moins bonne protection. Ceux qui ont des peaux mates bronzent mieux que ceux qui ont des peaux claires. Oui. En fait, au départ, ce sont donc des cellules qui sont spécialisées dans la partie superficielle de la peau, les mélanocytes, et qui vont fabriquer, sous l'influence des UV, qui vont se mettre à fabriquer du pigment, la mélanine, qui va se mettre comme un petit parasol au-dessus des noyaux des cellules pour les protéger des rayons UV. D'accord, et c'est ça qui colore donc. Qui donne d'abord la couleur de la peau, puis qui donne cette couleur du bronzage plus ou moins foncé en fonction de son type donc de peau. C'est une protection, voilà. C'est une protection, alors plus ou moins efficace, bien sûr, en fonction de son type de peau. Bien sûr. Donc et donc c'est mélanine. La mélanine, oui, mais vous avez dit un autre. Mélanocytes, ce sont les cellules qui fabriquent le pigment. Mélanocytes, voilà. Les mélanocytes ont besoin de soleil pour fabriquer le piment. C'est le seul déclenchement, une réponse à une question. Tout à fait. Le seul déclenchement de cette mélanine, de cette fabrication, eh bien, c'est effectivement l'exposition au soleil, aux UV. Bon, et tout ce qui est activateur de bronzage, alors ? Alors après, réactif quoi ? Comment ? Non, d'actif, le seul moyen, c'est celui-là. Après, vous avez effectivement des auto-bronzants qui peuvent vous donner la couleur comme le soleil, mais qui ne sont pas de la pigmentation pure. Il n'y a pas moyen d'activer ces cellules-là. Non. C'est un mot finalement qui dit. C'est un mot marketing, mais qui n'est pas une réalité. Voilà, c'est déjà un vrai ou faux. C'est vrai qu'on entend dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi par rapport à ça. Donc voilà. Si on veut prolonger son bronzage, il faut bien hydrater sa peau matin et soir. Vrai, super vrai. Alors si vous êtes vraiment une bonne élève, oui, mais matin et soir c'est quand même beaucoup. Oui, j'irais un peu moins loin que vous. Je dirais que déjà si on le fait une fois par jour c'est déjà pas mal. Ouais. Alors après, pour celles qui sont un peu plus feignantes, on a aussi maintenant les gels de douche qui font aussi Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoutez, c'est un geste rapide. Oui. Au moins il a le mérite d'exister. Mais c'est pas peut-être la même pas chose. Tous les jours, parce que en tous les cas ça suffira pas forcément au creux de l'hiver pour avoir une peau bien hydratée. En tous les cas, c'est un geste qui est mieux ça que rien du tout. Oh bah bien sûr, et puis pour les hommes qui sont quand même peu enclins à mettre de la crème, franchement, c'est bien pour allez-y, oui. Ils n'ont plus d'excuses. Oui. Sinon, et alors, le fait qu'on soit un peu plus bronzé encore aujourd'hui, on a peut-être tendance à utiliser encore l'après-soleil et à ne pas remplacer trop vite l'après-soleil par une crème hydratante. Bien ou pas bien ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En fait, l'après-soleil, le lait réparateur après-soleil, il est surtout aussi hydratant. Donc, ça évitera la désquamation, notamment sur les jambes, qui vient assez rapidement après le retour de vacances. Donc, après tout, oui. Parce que la peau est plus sèche sur les jambes ? La peau est sèche, oui, c'est vrai. La peau, quand je dis sèche, c'est pas la même chose. C'est pas forcément la peau qu'on hydrate le plus, déjà, par rapport au visage, par exemple. Mais rapport aux bras, moi, je vois une grosse différence sur les jambes. Oui, les jambes sèchent plus facilement. Il y a aussi d'autres gestes qui sont faits, des épilations et autres aussi qui peuvent aggraver aussi cette sécheresse cutanée. Et puis c'est vrai que on a tendance à oublier ce geste. Donc franchement, allez-y, hydratez, oui, bien sûr. Hydratez le plus possible. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, comment vous hydratez ? Quelles sont peut-être vos techniques à vous pour prolonger cet effet vitamine sur la peau? Et si vous n'avez pas assez, si vous avez l'impression de ne pas assez hydrater, de ne pas assez prendre soin de votre peau, venez demander le B.A.B.A. Elle est là pour ça, Nadine Pomaret, dermatologue. Et nous parlons de cela aujourd'hui jusqu'à 15h. c'est sur Vivacité. On prolonge le bronzage, on prolonge en effet les effets du soleil sur la peau. Bénéfique quand même, si on n'en abuse pas, Nadine Pomarède. Bah, vous ne pouvez pas demander à un dermatologue de vous dire que le soleil c'est bien quand même. Là, ça va être compliqué. Si on n'en abuse pas, c'est la vitamine D. Oui, mais c'est le prétexte. Ouais. Mais clairement, il y a moyen d'avoir une belle peau. Un peu aller en ayant pris toutes les mesures, les précautions. Ouais, alors, vraiment, on s'est bien protégé cet été. On a mis le chapeau, les lunettes, la protection solaire. On l'a répété plusieurs fois par jour. Bref, on a fait vraiment attention. Oui, donc ça c'est bien. Parce que sinon, on va dire, mais oui, mais pourquoi vous la recevez si on ne peut pas bronzer? Vous, est-ce que je fais une avec une grande, grande modération. Voilà. Ah, mais on est tous grand, grand, grand modérés. Voilà. Bref, 070 23 33 23, SMS 30 63. Sandra, dans quelques instants, nous parlera d'hydratation. On a aussi des questions qui arrivent sur la différence entre les huiles, les crèmes, tout ça. C'est quoi, c'est mieux? C'est quoi le mieux? Enfin, ce genre de choses. C'est normal, puisqu'on fait une émission vraiment toutes questions confondues sur l'éclat de la peau. 070 23 33 23, continuez à nous appeler ou à nous envoyer un SMS au 30 63. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Barbie de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et classe. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Nous vérifions nos mails. Nous vérifions les résultats du foot. Nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt. Nous vérifions les ingrédients du pain. Nous vérifions, tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah mais, et ce truc-là là, c'est l'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là là, c'est... Bah, ça c'est mon bouton de manchette. Ton bouton de manchette. Ah bah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. La vie du bon côté sur Vivacité. Adieu bronzage, au revoir bronzage. Plutôt de mettre au revoir bronzage et vive l'éclat. Voilà comment on intitule notre émission. Mais c'est vrai qu'on a Nancy qui nous dit, bien moi justement, par rapport à ce que dit votre dermatologue, je ne m'expose jamais au soleil. N'empêche, on peut quand même avoir une peau éclatante, Nadine, sans s'exposer au soleil. Hein. L'éclat de la peau... Ah bah là, je vote pour, bien entendu. Ah voilà, l'éclat bien de la peau, ça n'est pas que... qu'une peau allée. Bien sûr. C'est une peau qui a une lumière, qui a une luminosité, effectivement. Oui, bien sûr, c'est bien mieux que le bronzage. Oui, et la luminosité, on l'a par son alimentation, par les soins qu'on lui apporte, ce genre de choses. L'alimentation, bien sûr, les soins aussi. Les peelings superficiels dont on parlait tout à l'heure peuvent aussi améliorer cet éclat. Oui. Bien sûr. Et puis, en fait, c'est l'uniformité du teint, effectivement, qui va donner cet éclat. D'accord. Jean-Paul nous dit, Sylvie, le bronzage c'est bien, mais c'est quand même les blancs qu'on préfère. Voilà, c'est un point de vue. C'est un point de vue, Jean-Paul. Moi aussi, mais c'est sur la peau. Bonjour Sandra. Bienvenue. Bonjour. Sandra. Bonjour. L'hydratation de la peau. Vous l'hydratez comment votre peau, vous, Sandra? Les crèmes, c'est nécessaire à un certain âge, mais des conseils d'une esthéticienne, le plus important, c'est l'hydratation par l'eau, donc boire beaucoup d'eau. Oui. Ça va, vous y arrivez? Vous êtes à combien de litres, vous, par jour, Sandra? Le minimum, c'est un litre et demi. Ça, c'est bien. L'hydratation, en effet. Mais Sandra, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler aussi des rides. Enfin, l'hydratation, tout est lié, hein, de toute façon. Oui, mais évidemment, il faut mettre la crème. Moi, j'en mets à partir de... Bon, j'ai 60 ans et j'ai commencé à hydrater par la crème à partir de 50 ans. Et puis, il y a l'hygiène de vie, il ne faut pas fumer, ça joue énormément. Parce qu'on en parlait moins aussi avant, Nadine, hein, des crèmes, vous voyez, je peux comprendre aussi quelqu'un qui commence un peu tard à hydrater sa peau. Oui, tout à fait. Avant, nos mamans n'hydrataient pas vraiment. Alors, franchement, moi je le vois tous les jours en cabinet, c'est vraiment fonction de l'hérédité, de la transmission des mères par les filles. Oui. Vous avez des mamans qui ont l'habitude de mettre des crèmes, d'avoir une routine, de démaquillage, de nettoyage du visage, et qui le transmettent vraiment à leurs filles, des familles où véritablement cette transmission ne se fait pas. Donc c'est vraiment très intéressant. Et après, c'est vrai que vous avez des familles où les gens ne mettent pas de crème, c'est quelque chose qui ne leur vient pas à l'esprit. Et c'est vrai que c'est lorsqu'il y a, à ce moment-là, un peu le vieillissement, vers la cinquantaine, qu'on se pose des questions et qu'à ce moment-là, effectivement, on met des crèmes. Bon, l'hydratation par l'eau, la première des alors des clés. Oui, l'eau, c'est nécessaire, bien entendu. Maintenant, je mettrai un bémol sur cette notion qu'il faut boire beaucoup pour hydrater sa peau, parce qu'en fait, la quantité d'eau, le flux d'eau qui arrive via la circulation sanguine au niveau de la peau, eh bien, en fait, ce flux va s'arrêter au niveau de la partie moyenne de la peau, c'est-à-dire le derme. En fait, la partie la plus superficielle, celle que l'on voit, eh bien, elle n'est pas traversée par des vaisseaux. Donc l'eau n'arrive pas dans cette zone-là. Oui. Donc, que vous buviez 1,5 litre ou 3 litres, très sincèrement, votre peau ne sera pas mieux hydratée. Ça, c'est une... souvent, les gens pensent que ça... Non, mais ça ne changera rien. Mais effectivement, il faut voir suffisamment. Et puis, bien sûr, hydrater localement avec des cosmétiques sa peau, bien sûr. Sandra, ça va? Vous allez quand même continuer à boire votre 1,5 litre? Mais je suis d'accord. Il faut que Sandra continue à boire son 1,5 litre. Mais pas au-delà. Non, voilà, 1,5 litre, je ne sais pas boire plus. Non, c'est maximum, c'est très bien. Super, ouais. Voilà le vrai ou faux, j'aime bien, parce que c'est des généralités comme ça qu'on fera dans cette émission. Donc si vous souhaitez venir prendre la parole, si vous avez entendu dire que, ou que vous vous posez une question par rapport à, eh bien venez. Aujourd'hui, on parle de l'éclat de la peau que l'on se doit de prolonger, voilà, tout simplement, pour être bien dans sa tête aussi, parce que... c'est important, bien sûr. Bien dans son corps, bien dans son esprit, bien dans sa tête, bien dans tout. 3063 pour vos messages. Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie?

celles qui préfèrent des textures plus onctueuses, plus épaisses, et bien pourquoi pas. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir ce geste-là, quels que soient les produits qu'on utilise, les odeurs aussi sont importantes. Bref, avoir un produit qu'on s'approprie et qu'on a plaisir à mettre, oui. c'est l'important. C'est marrant parce que j'ai l'impression moi, que l'huile pénètre moins. J'ai l'impression que la crème va parce qu'elle est plus dense, plus grasse, j'ai l'impression qu'elle va plus protégée et que l'huile est plus superficielle. Alors, on a fait des gros progrès en termes de texture, en termes de d'efficacité également. On a aujourd'hui des formulations qui permettent aussi une application d'huile efficace sur l'assèchement cutané, bien D'accord. sûr. Nadine, bonjour, bienvenue Nadine. Bonjour madame. Vous avez 48 ans, vous utilisez très raisonnablement une crème de jour. Raisonnablement, ça veut dire Quand j'y pense. Un jour sur deux, allez. Voilà, bon. approximativement ça. Oui. D'accord. En été, vous n'en mettez pas, car vous dites ça me fait transpirer le visage. Oui. Oui, dès qu'il fait chaud, le fait de mettre de la crème sur le visage me fait encore plus transpirer. Alors je suis toujours à frotter mon visage, on me dit bon, à quoi bon mettre une crème là. Mais ça c'est une bonne question, parce que, et vous mettez du comment, une crème solaire, voilà, une crème solaire, quand même, sur votre visage. Non, vous mettez rien. Si, vous mettez une crème solaire. Si, c'est une fois sur deux, la crème solaire, au soleil. Parce que vous avez l'impression que ça... Que pareil, que parce que vous la retirez, parce qu'elle vous fait transpirer, donc ça ne sert à rien. C'est ça votre question Non, c'est même pas pour ça. C'est, ça me fait également transpirer, hein, le visage, mais bon, c'est parfait nuancé aussi. Donc, votre réflexion... Je ne suis pas une adepte des... Oui. Votre réflexion. En fait, vous venez chercher conseil. Vous venez vous faire gronder, Nadine, par Nadine qui se. Oui, de Nadine. Oui. Elle va vous dire, c'est non, pas bien, Nadine. Tous les jours la crème. Vous avez deviné, Sylvie. Oui, mais je ne comprends pas parce que justement, si la crème me fait encore plus transpirer, je me dis que j'ai une hydratation déjà pas mal de la peau naturellement. C'est deux phénomènes différents en fait. En fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que vous changiez peut-être de crème l'été et que vous appliquiez des crèmes plus légères, voire des gels. Il y a aussi des textures très très très fluides et qui correspondraient mieux pour l'été. Et rester avec votre crème peut-être un peu plus épaisse, avec une texture un peu plus onctueuse l'hiver. L'autre chose, c'est, Nadine, très clairement, va falloir être un peu plus raisonnable et la mettre plus régulièrement. En tous les cas, tous les jours, ce serait bien quand même. Et quant à la crème solaire, bah oui, ça peut pas être quand vous y pensez. C'est dès que vous êtes au soleil, il faut mettre la crème solaire. C'est la meilleure façon que vous puissiez avoir pour vous protéger et ralentir le vieillissement cutané. Le vieillissement de la peau, oui. Donc, post-it sur le carreau de la salle de bain. Sur le miroir, ne pas oublier de mettre ma crème, Nadine, elle a dit. Oui, mais je ne savais déjà pas qu'il existait du gel qui était peut-être plus sec. Ah bah oui, vous avez des textures très fluides au niveau des crèmes, notamment pour des peaux qui sont plus grasses ou qui sécrètent plus de sébum. Et effectivement, vous pouvez adopter ces crèmes-là. Oui, ben voilà. Et encore une fois, je vous ai posé la question en antenne. C'est vrai que parfois, on est conseillé par quelqu'un qui dit « Tu devrais essayer cette crème-là, elle est vraiment bien et tout. » Moi, il m'est arrivé de mettre cette crème conseillée sur ma peau et me dire « Moi, je préférais l'autre, quoi. Je préférais celle d'avant. » C'est vrai que ça aussi... C'est difficile, le conseil. Oui, bien sûr, c'est difficile. Vrai. Après, je pense qu'il faut s'approprier les produits. Et puis, il faut avoir du plaisir à les mettre. Si vous avez un plaisir à le mettre, qu'elle pénètre bien, qu'elle laisse la peau lisse, eh bien, vous allez la réappliquer. Donc, peut-être que Nadine devrait trouver enfin sa crème qui va plus la quitter. Ça, c'est une bonne nouvelle. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Donc, dans cette émission, vous posez toutes les questions par rapport à l'éclat de votre peau. Et voici Milo sur Viva. Venez nous rejoindre aussi sur la page Facebook, tiens, en laissant vos commentaires sur le sujet. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon.

clairement, c'est, il y a des filtres chimiques, mais comme dans toute la cosmétologie, mais clairement, les produits solaires sont des produits safe et qui permettent de protéger la peau efficacement contre le vieillissement et le cancer cutané. Donc, les UV sont classés cancérigènes pour la peau depuis 2009 par l'OMS. Donc, clairement, il faut mettre de la crème solaire et la réappliquer régulièrement quand on est en situation d'exposition solaire. D'accord, ça c'est votre réponse, Daniel. Ah oui. Voilà. Comme ça, vous savez, on connaît votre position par rapport à ça. Il y a beaucoup de questions aussi sur comment est-ce qu'on sait si on a dépassé le capital soleil. Est-ce qu'il y a des signes? Il y a des personnes qui viennent nous dire qu'elles ont des taches blanches et des brunes sur les bras et sur les épaules. Pourtant, ces personnes ont toujours mis de la crème solaire. Donc voilà ce qu'on va aborder juste après le flash de 14h. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Moi, j'aime le poulet et je ne suis pas la seule. Ah, c'est sûr, car nous aussi, on aime le filet de poulet. Pas vrai, petit? Oh que oui, à la poêle, au grill, au four. Et c'est si vite cuit. Oh, je dirais même, c'est cuit-cuit, monsieur Marquet. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos succulents filets de poulet sont à 3,14€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre chez votre distributeur Volvo. Merci d'écouter Vivacité, il est 14h. Le flash présenté par Justine Hermans. Bonjour à tous. MS Mode, la chaîne de magasins de vêtements, fait faillite en Belgique. Elle compte 220 employés chez nous et 46 magasins. Pour l'instant, pas de précision sur l'avenir des travailleurs. MS Mode pourrait rester présente en Belgique sous une forme adaptée. C'est ce qu'a précisé l'entreprise. Deux autres fermetures éventuelles, cette fois d'abord à Drogenbos, le site d'Halliburton, un groupe américain de services pétroliers. 50 emplois pourraient disparaître selon les syndicats. Ensuite, le producteur de café Douegbert veut fermer son site de Grimbergen. L'annonce est tombée ce matin. 274 emplois précisément sont concernés, mais selon un syndicat, 190 employés pourraient conserver leur travail. Ils devraient alors changer de site, aller travailler ailleurs. Les services marketing et comptabilité sont concernés, mais pas la production. Douegbert veut fermer l'usine de Grimbergen en janvier 2017. La direction et les syndicats démarreront la phase d'information et de consultation lundi dans le cadre de la loi Renault de licenciement collectif. 80 emplois avaient déjà été supprimés en 2014 dans cette entreprise. Des perturbations dans le ciel aujourd'hui. Une centaine d'avions sont retardés, certains déviés, 15 autres vols ont été annulés. La cause, un problème de réseau chez Belgo Control, le contrôleur du ciel. Le souci n'est pas encore résolu à l'heure qu'il est. Les aéroports de Bruxelles et Charleroi sont concernés. Nos militaires protégeront encore 6 mois les centrales nucléaires belges. Le Conseil des ministres l'a décidé ce matin. À l'étranger, à Bali, 2 personnes ont perdu la vie et 18 autres sont blessées après l'explosion du moteur d'un bateau de tourisme. L'explosion s'est produite environ 200 mètres après le départ du bateau de l'île touristique. Info mobilité, la Nationale 4 rouvre cet après-midi. La traversée de Martelange sera à nouveau possible. La circulation avait été déviée en raison d'un gros chantier de rénovation. Retour à la normale donc, un soulagement pour les riverains mais surtout pour les commerçants. Ils avaient vu leur chiffre d'affaires baisser. En revanche, toujours sur cette même Nationale 4, la réfection de la voirie aux abords de Bastogne du côté de Remoifosse se poursuit jusqu'au 20 octobre sur 4 km. La circulation est réduite sur une bande dans chaque sens. La météo, il fait un peu plus frais aujourd'hui, de 22 à 30 degrés par endroit et en fin d'après-midi, des averses et des orages sont possibles. Un point plus complet sur vos conditions de circulation avec Antoine Binamé. Il y a un accident sur la E42. Oui, c'est ça, l'E42 qui relie Mons à Namur à hauteur de Chapelle-les-Herlémont. Bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisé en direction de Namur. On a toujours ces ralentissements sur l'E40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle au niveau du chantier de Cherat. Comptez 40 minutes supplémentaires et des files qui démarrent depuis Recours jusqu'au chantier. Affaissement de la chaussée à Liège, rue Natalis fermée à la circulation entre la rue Grétry et la rue Dauté. Et puis soyez prudents si vous circulez sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Grimbergen en direction de Wemmel. On y signale que des piétons marchent sur la chaussée. Ouvrez l'œil. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et si vous avez profité du soleil encore cet après-midi, restez sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Vous saurez comment faire prolonger l'effet du soleil sur la peau, les bons effets. Exactement, exactement. Prolonger l'effet soleil et raviver l'éclat de la peau pour les mois qui viennent. Merci pour ce flash. L'info revient à 15h. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Le Beauvélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et comme chaque année, la saison du Beauvélo de Ravel se clôture au pied de l'Atomium ce dimanche, lors du dimanche sans voiture. À défaut de Ravel dans notre belle capitale, Bruxelles, on vous propose une promenade verte mais également des itinéraires cyclables utilitaires. Adrien Jovenot et son invité Georges Ouattelet des Chemins du Rail vous en parlent. Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Pour préparer ce Beauvélo de Ravel de Bruxelles, on va donner la parole aux Bruxellois de Chemins du Rail. Georges Ouattelet, vous allez jouer à domicile pour cette journée sans voiture dimanche. Oui, tout à fait. C'est la tradition. Le Beauvélo de Ravel se termine toujours à Bruxelles avec la journée sans voiture. Alors ici, il n'y a pas de Ravel. C'est peut-être pour ça que je suis à Namur pour mes activités en tant que chemin du rail. Mais il y a notamment une promenade verte et puis il y a surtout des itinéraires cyclables, c'est-à-dire des itinéraires plutôt utilitaires pour se rendre d'un point à l'autre de la capitale. Entre autres en VAE. C'est quoi le VAE ? Alors, le vélo à assistance électrique. Puis il y a quelqu'un qui vient de parler de vélo musculaire. Ah, c'est beau ça. J'aime bien l'image. Vélo musculaire. C'est une belle expression. Quelle est la différence avec le vélo moteur ? Parce que bon, il y a vélo électrique et vélo moteur, mais c'est pas pareil. Alors, un vélo assistance électrique, en fait, il faut continuer à pédaler. C'est, comme le dit le terme, une assistance. Et au-delà de 25 km/h, l'assistance s'arrête. Et si on ne pédale plus, l'assistance s'arrête également. Alors, comment choisir son vélo électrique ? Mais je crois qu'il faut d'abord voir l'usage qu'on en fait. Est-ce qu'on fait de courte distance, de longue distance ? Est-ce qu'on a un usage quotidien ou occasionnel ? Est-ce qu'on veut un vélo pliable ? Est-ce qu'on veut un vélo classique ? Moi, je crois que le mieux, c'est de consulter les documentations comme le GRAC ou ProVélo en ont édité, des deux associations de défense des cyclistes, ou encore votre marchand de vélo. D'accord, alors le vélo à assistance électrique permettra de remettre un peu tout le monde en selle. C'est bien, mais attention, ça ne se conduit pas comme un vélo classique, il faut apprendre à maîtriser la bête. Tout à fait, il est vraiment nécessaire, surtout que c'est un public parfois plus âgé qui est tenté d'utiliser ce genre de vélo. Il y a un apprentissage, un écolage, comme on dit en Belgique. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un vélo classique. Petite parenthèse quand même, parce qu'elle est importante, on trouve de plus en plus sur le marché ce qu'on appelle des speedelecs, c'est-à-dire des vélos assistance électrique avec un moteur plus puissant qui permet d'arriver jusqu'à 45 km/h. Ça a l'air tentant, mais le législateur est en train de se pencher là-dessus et il pourrait bien réserver un sort différent à cette catégorie de vélos par rapport au vélo assistance électrique classique. Oui, qui lui peut aller sur le Ravel, ce qui n'est pas le cas des vélomoteurs. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres règles à suivre, Georges Watley? Oh, il faut d'abord respecter le code de la route. Et puis moi, je ne peux que vous conseiller une chose. En fait, si vous ne vous sentez pas à l'aise en ville pour rouler à vélo, allez suivre une formation du GRAC. Elle en donne très régulièrement. C'est au cinquantenaire, en règle générale, le samedi. Il suffit de s'inscrire. Et puis une bonne façon aussi de se remettre en selle, c'est de participer au dimanche sans voiture. Là, on peut découvrir Bruxelles sans le trafic automobile. C'est plus cool, c'est plus relax et vous verrez que Bruxelles est une des capitales les plus vertes d'Europe. Merci Georges Watley. Et plaisir. Rendez-vous chez vous alors. Oui, tout à fait. Ce dimanche 18 septembre, nous serons au pied de l'Atomium, je le rappelle, avec entre autres Willy William, Magic System. Et Joël Scorils, vous me laissez le mot de la fin. Joël Scorils qui sera avec nous en effet ce dimanche et qui pédalera à vos côtés, Adrien. Donc voilà, toutes les bonnes raisons pour venir nous rejoindre et plus d'infos sur le site www.vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Nadine Pomared, elle est dermatologue et nous parlons des conseils dermato de ce mois de septembre, en sachant en effet que le soleil nous a prolongé ses effets, on va dire, attention avec modération, il faut se protéger. Donc Nadine, depuis 13h, vous le dites, bien entendu, il faut se protéger, il faut s'être protégé, mais goûter aux joies du soleil avec modération, c'est bien aussi. Voilà, c'est bien aussi. Question intéressante, à mon avis, vous allez y répondre rapidement, de Michel. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Parce que, en effet, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ce sont les dates de péremption, c'est ça, des crèmes solaires notamment? Tout à fait, oui. Oui. Il me semble que j'avais lu dans une revue donc qu'il y aurait une date de péremption sur les flacons, mais c'est très difficile à trouver en fait. C'est difficile. Vous cherchez bien et vous ne la trouvez pas. Et oui, est-ce ou alors qu'il y a ça aussi... correspond pas à une date. Ouais, ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a aussi c'est quand c'est le petit sigle qui nous apprend qu'une fois que c'est ouvert. C'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Il faut faire attention à tout ça. Vous avez cette date qui est inscrite en fait sur le bas du flacon. Et donc, en fait, vous avez un délai d'utilisation après ouverture. Mais d'une manière générale, alors tout d'abord, en principe, la crème solaire que vous avez achetée cet été, normalement, vous l'avez finie. Oui. Puisque vous avez tout utilisé, vous avez réappliqué votre crème solaire. Si on n'a pas tout utilisé, c'est pas normal. C'est normal, ça, oui. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, si jamais il vous en reste, elle a quand même séjourné sur votre serviette à côté, au soleil, etc. Donc, clairement, il faut en utiliser une nouvelle l'année prochaine. D'accord. D'accord. Bien souvent, on la garde, ce qui reste est en... C'est vrai, c'est vrai, Michel, c'est vrai. Et donc voilà, Nadine, vous nous conseillez de la... Hop, on jette. De toute façon, il n'y en a presque plus. Non, il n'y en a plus. De toute façon, il n'y en a plus. Ou alors un tout petit peu. Voilà, merci Michel, c'est une bonne question. 070 23 33 23, SMS 30 63. Vous pouvez encore aussi continuer à nous appeler ou à nous envoyer des messages si vous voulez des renseignements sur les journées, soirées d'ateliers, conférences que nous organisons au profit de Cap 48 le 30 septembre à Mons, le 6 octobre à Liège. Vous serez donc coaché. Ça veut dire coaché, ça veut dire exactement ce que vous vivez en émission. Voilà, ce sont des personnes qui vous accueilleront en atelier, des personnes que vous entendez régulièrement dans mes émissions et qui vous proposeront donc un atelier sur « Et si nos différences étaient notre richesse ?» Voilà, parce qu'on a tous, à mon avis, une différence en nous. Une, parfois deux, parfois trois, Nadine. Tout à fait. Connaissez vos différences, vous? Je vous réponds après. Ah ben, ou alors vous venez en atelier le 30 septembre. Avec plaisir. Ou le 6 octobre à Liège pour connaître vos différences, justement, et vous en servir. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Oh, moi, je vais faire comme le voisin ». Mais non, faites comme vous. Voilà, faites comme vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça qu'on organise cette journée d'atelier le 30 septembre à Mons. Ok, c'est un vendredi, mais croyez-moi, prenez congé. Et vous ne regretterez pas. Voilà, vous ne regretterez pas. En plus, vous pouvez prendre congé soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'il y a deux formules qui existent. Le 6 octobre, c'est en soirée. Et il y a aussi l'émission qui sera faite en direct de Médiacité. Vous serez, à mon avis, nombreux pour la vivre en direct et intervenir en direct dans l'émission.

Les souvenirs de vos vacances s'effacent. La pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotion seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktail, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuite pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Vivacité et la 3 présente un dîner d'adieu. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu, un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 04 07 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Les fameuses petites taches. On a des messages qui se regroupent par rapport à ça, genre celui-ci de Dominique. J'ai des petites taches blanches et des brunes sur mes bras et mes épaules. J'ai toujours mis de la crème solaire. Y a-t-il un moyen de faire partir ces taches? J'hydrate ma peau le soir. Merci, je ne désire pas passer à la radio. Si vous pouvez lire le message et y répondre, ce serait sympa, dit Dominique. Et je recoupe ce message avec celui-ci de Marie-Sophie de Liège. Sylvie Nadine, je me demandais comment peut-on savoir si le capital soleil est dépassé? Parce qu'à mon avis, votre réponse va concerner les deux. Y a-t-il des signes? Merci à vous. Et donc, les taches, ce serait le signe? Alors en fait, ces taches blanches que l'on voit, notamment des petits confettis blancs qui peuvent apparaître à la fin de l'été sur les jambes. Oui, comme si ça n'avait pas bronzé. Oui, comme si ça n'avait pas bronzé, c'est exactement oui. Ou les taches brunes qui peuvent apparaître sur les mains, sur le décolleté, sur le visage. Le décolleté, pas mal, Et qui traduisent le vieillissement cutané induit par le soleil. En fait, c'est la traduction d'un même phénomène. C'est toujours cette fameuse cellule, le mélanocyte, celle qui produit la mélanine. Eh bien, cette cellule, elle ne fait plus rien, il est complètement HS, et donc du coup, ça donne des taches blanches. Soit au contraire, il fait un peu n'importe quoi et il produit trop de mélanine en motte qui donne ces taches brunes. Mais en fait, c'est la traduction d'un même phénomène, le vieillissement de cette cellule. D'accord, donc voilà, pour répondre aux deux personnes en même temps. Les crèmes bébés, ça aussi, on a plusieurs messages parlant de ça. La bébé crème, qu'en pensez-vous? Est-ce assez hydratant? Alors, si on met une bébé crème seule, sans avoir hydraté en dessous, ça peut être insuffisant pour certaines peaux. En tous les cas, c'est un peu de ces crèmes qui permettent à la fois de donner une unification du teint, de flouter un peu quelques défauts, type des taches ou des rougeurs, et en même temps d'avoir une hydratation. C'est un bon produit, mais à appliquer après une crème de soin. Ah d'accord, donc ça il faut faire extrêmement attention, donc voilà, le produit en lui-même n'est pas suffisant. Patricia est en ligne, bonjour Patricia. Oui, bonjour. Patricia, vous parlez de l'alimentation, super, parce que je pense qu'il faut en parler aussi, l'alimentation est aussi importante, dites-vous, il est utile de mettre au menu des fruits, des huiles riches en oméga 3, vous faites attention à tout ça Patricia? Vous soignez votre peau par l'alimentation autrement dit? Aussi, oui, je travaille, je vais insister là-dessus, je travaille dans un magasin bio aussi. D'accord, ok. Donc, oui, je consulte une nutritionniste une fois par an, enfin bon, bref. Et oui, je pense que c'est important, c'est que tous les fruits de couleur et les légumes comme le poivron, les melons, les abricots, etc. Mais surtout, tout ce qui est oméga 3 via les huiles, c'est important. Et ça, la nutritionniste m'a vraiment mis un poids d'honneur là-dessus. D'accord. Voilà. Nadine, votre avis. Patricia a raison, c'est vrai que c'est important. La peau se nourrit aussi de ce qui est apporté par l'alimentation. Et plus votre assiette est colorée, plus il y a du orange, du rouge, du jaune, qui contiennent tous ces aliments qui contiennent beaucoup de bêta-carotène. C'est important, c'est un antioxydant et ça va permettre à la peau d'être en bonne forme et également de moins vieillir. En ce qui concerne les huiles, Patricia a également raison, parce qu'en fait, les huiles sont importantes pour avoir une peau bien hydratée. Eh bien, il faut du bon gras. Ah. Et ce bon gras, il est apporté par l'alimentation, notamment par des huiles d'assaisonnement que l'on va faire varier, et également par des poissons gras, le maquereau, le saumon, la sardine, même en boîte. Hein. Même en boîte, oui, aujourd'hui. Ah, c'est plus la plancha, mais on peut la même. Prendre en boîte. Ouais. Et puis aussi, pour celles qui n'aiment pas le poisson, eh bien, il y a un légume qui est particulièrement qui est particulièrement intéressant, c'est la mâche. La mâche, c'est l'un des végétaux les plus riches en oméga-3, donc qui va permettre de synthétiser les bons lipides qui vont faire une bonne hydratation au niveau de la peau. J'avais entendu dire ça, la mâche. Oui. Ça ressemble à des petites feuilles de salade de blé, non ? C'est pas comme ça qu'on l'appelle ? C'est des petites, un peu comme le cresson, c'est des petites feuilles de salade. Et ça, la mâche, c'est vraiment le végétal qui contient le plus oméga 3. Brocoli, très bon aussi. Brocoli, parce qu'en fait, le brocoli, il est vert, mais en fait, le bêta-carotène se cache sous la chlorophylle. Donc, c'est important aussi. Et le kiwi, au niveau du fruit. Alors, les fruits, c'est tout ce qui est baies, les myrtilles, les fraises, les framboises, tout ce qui contient, en fait, c'est très riche en polyphénol. Et là aussi, c'est bon pour sa peau. D'accord, bien. Merci Patricia d'avoir abordé ça. Et en plus, vous avez écrit un livre sur le sujet, Nadine. Tout à fait. Parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, je vous recevais pour ça. Ça s'intitulait Bio. Mon cahier Beauty Food. Beauty Food, voilà. La beauté par l'alimentation. Merci Patricia. 070 23 33 23, SMS 30 63. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. Viva, nous parlons de votre peau, encore une fois, comment prolonger l'éclat de la peau avec les effets bénéfiques peut-être du soleil, avec modération. Nadine Pomared est dermatologue et on n'a pas encore parlé de certaines choses, peut-être les taches au visage, les pieds, hein, l'hydratation au niveau des pieds, les ongles, les grains de beauté. On n'a pas de questions par rapport à ça, mais on peut en parler. Venez peut-être poser la question de savoir quand est-ce qu'il faut faire un bilan, est-ce qu'on peut checker soi-même sur ce genre de choses. Le peeling, on en parlera aussi dans quelques instants parce qu'on n'en a pas encore parlé non plus. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, les rougeurs du visage, la coupe rose, ce genre de choses, venez prendre la parole. 070 23 33 23 SMS 30 63. Sport Foot Magazine. Les bouche bée, les commentateurs les plus survoltés. Cette semaine, le spécial Champions League et Europa League. Sport Foot Magazine, vivez le foot. En vente maintenant. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'île au Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Dendelvel. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du Marché aux Herbes. C'est la fête dans l'île au Sacré. Toutes les infos sur ilosacré.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League. Les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Annus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Nadine Pomarette, dermatologue. On a des bonnes questions, mais les personnes sont sur leur lieu de travail, on ne savent pas décrocher. Jean-Nathalie, elle dit « J'ai fait un traitement laser contre la coupe rose, Sylvie. Miraculeux. Plus besoin de canifler, que de camoufler. Et l'été, j'ai un teint magnifique », dit Nathalie. Eh bien, elle a raison, Nathalie. Effectivement, l'élimination de la coupe rose, eh bien, ça permet d'avoir un teint éclatant. Tout ce qui est tache, tout ce qui est rougeur, eh bien, ça diminue l'éclat de la peau. Et lorsque vous enlevez ces vaisseaux, eh bien, effectivement, vous avez un teint beaucoup plus lumineux. Et le laser est très clairement très efficace sur cette indication. Donc voilà pour la coupe rose. Ma question, très bonne question aussi que voici. Ma question est, Sylvie, comment apprendre ces gestes d'hydratation quotidien à sa fille de 9 ans après des longues vacances au soleil? C'est important parce qu'effectivement, 9 ans, c'est un âge où on commence à avoir une ligne médiane du visage qui commence un peu à graisser. Il peut y avoir quelques petits points noirs, il peut y avoir quelques petites imperfections. Et donc, c'est important à cet âge-là de commencer à avoir les bons gestes, d'avoir un produit nettoyant, moussant, qu'on commence à utiliser régulièrement, matin et soir. Éventuellement, quand il va commencer à faire froid, mettre une petite crème hydratante, pas trop grasse. Je pense que c'est là que commence cette routine et cette transmission. Premier geste, oui, c'est important. Bien ça. Et peut-être les produits sous la douche, parce qu'on a encore une question, vous en avez parlé. Hein. Quelqu'un nous demande, que pensez-vous des laits hydratants sous la douche? On en a parlé, vous dites bien. Vaut mieux ça que rien du tout. Non, mais c'est bien. Oui. C'est un geste rapide, ça permet de s'habiller tout de suite. Oui, pour bien les sûr. Enfants, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, c'est très bien. Oui, on peut le faire sans problème. D'accord, parfait. J'ai acheté un flacon de crème solaire cette année, je ne l'ai pas ouvert moi. Est-ce que c'est encore bon l'an prochain? S'il n'a pas été exposé, s'il n'a pas été mis à côté de sa serviette, pourquoi pas? Sinon, on en achète un autre. Et surtout, on la met. Et puis Daniel aussi qui nous envoie un message intéressant. Il dit « J'ai 61 ans, j'ai probablement exagéré mes expositions au soleil. La peau de mes bras est relâchée, bien que mes bras soient musclés. J'ai l'impression que les fibres sont cassées, peau plissée et relâchée. Est-ce un effet du soleil ou le vieillissement de la peau? Pourtant, j'hydrate tous les jours, mais en vain. Y a-t-il une autre solution ?» C'est vrai qu'à partir de 60 ans, même un peu avant, on commence à avoir un relâchement de la peau qui existe en ayant abusé ou pas du soleil. C'est vrai que le soleil va augmenter encore cette manque de fermeté. les techniques, elle l'a dit, c'est oui. aussi de faire du sport, d'essayer de compenser de façon à avoir un muscle qui soit tonique, mm-hmm. et puis aussi après de regarder, de consulter quelles sont les techniques qui pourraient, médicales, qui pourraient améliorer cela en stimulant la synthèse de collagène avec la radiofréquence, avec le laser et d'autres techniques qui vont permettre de booster ce collagène. Bien, bien, bien. Les gommages, les peelings. Gommage, c'est pareil, gommage et peeling. Alors, gommage, scrub, c'est ce qu'on fait à la maison. Ensuite, les peelings, vous avez des peelings qui sont des peelings dermatologiques. Et les peelings dermatologiques, en fait, vous avez des peelings qui se déclinent en fonction de leur niveau d'action. C'est-à-dire quand vous avez les peelings superficiels, ce sont oui. des peelings qui sont destinés à améliorer le grain de peau, justement cette période de rentrée, qui vont permettre de resserrer les pores, d'unifier le teint, de redonner de l'éclat. Et faute de ne plus être trop bronzé, eh bien on va retrouver cet éclat grâce au peeling superficiel qui est vraiment le soin d'entretien de sa peau. Quand vous dites les rasages aussi, peut-être les femmes qui se rasent plus souvent les jambes, on a l'impression parfois que ça va partir plus vite, vous voyez quand on... C'est-à-dire qu'en fait, c'est une exfoliation un peu plus radicale. Oui, on a un peu peur, vous voyez oui. De toute façon, c'est inéluctable, Sylvie. Ça va partir, le bronzage. Donc, il faut s'y faire. On va récupérer de l'éclat. C'est bien parti déjà, hein, mais bon, voilà. Oui, mais non, mais ça va, hein, ça va. Ça va aller. Moi, ce que je veux, c'est du soleil encore, vous voyez, le plus longtemps possible. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous avez des questions, on en profite. Une dermatologue est là pour répondre à vos questions. C'est vrai qu'on prend vraiment tout ce qui a trait au soleil. Comment faire pour rendre la peau éclatante? Donc venez poser des questions. Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois. Pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte. Sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne. Je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc. Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. Et en passant mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envi renaîtront petit à petit. Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en fait de moi un dégueulasse, qui sont des traits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. Je sais pas, dites-leur que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver. Gérard Désert et Zaz avec Demain de Bon Matin. Ah, la vitamine D. Je vois Mickaël qui nous envoie un petit mail par rapport à ça. J'ai une remarque concernant la protection solaire que vous recommandez. Il est très très important de se protéger lors d'expositions prolongées, c'est clair. Néanmoins, la crème solaire réduit, dit-il, la production de vitamine D. Il en est également question pour les peaux foncées, plus riches en mélatonine. Une étude précise française confirme que la majorité de la population est en carence de vitamine D. Ne vaudrait-il pas mieux conseiller des faibles expositions quotidiennes, 15 minutes max, mais sans protection solaire, pour ne pas justement être en carence de la vitamine D? Alors, quid de vitamine D et des protections solaires? Alors, les dernières études ont montré qu'il n'y a pas de... que la synthèse de vitamine D se faisait même avec des protections solaires, donc ça n'empêche pas la synthèse de vitamine D. Et en ce qui concerne cette fameuse vitamine D, eh bien, un quart d'heure tous les jours sur les avant-bras en vie quotidienne suffisent pour synthétiser la vitamine D. Ah, d'accord. Donc ça, c'est important ce que vous dites là. Quelqu'un nous avait demandé, j'avais vu ça aussi passer sur la page Facebook, comment ça se fait, Sylvie, qu'on bronze plus à certains endroits qu'à d'autres? C'est vrai que c'est une bonne question. Comment ça se fait? Par exemple, plus sur les jambes, en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Alors, je me dis peut-être parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais tout le temps short, tout le temps dehors, tout le temps... Oui, enfin, votre visage aussi était extérieur, a priori. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se fait que je ne bronze pas plus du visage? Est-ce que la grossesse... J'ai pas de réponse scientifique. Est-ce que ça, j'ai remarqué aussi après la naissance de ma fille, la naissance de mon fils, mon bronzage était plus le même. Alors ça, il peut y avoir une notion hormonale, mais sinon, effectivement... Ah, mais donc ça peut jouer. Oui, peut-être, mais en tous les cas, j'ai pas de réponse scientifique à vous proposer. Mais donc ça peut jouer. Peut-être. Hormonalement parlant, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent. Hein, voilà. Et encore une fois, parce que je me connais, j'ai remarqué que c'était plus pareil. C'est possible. Bon, merci. Merci. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir sur la peau en général. La peau qui bientôt ne pourra plus bénéficier de ces rayons de soleil et qui malgré tout devra être éclatante pendant l'hiver, devra continuer à être hydratée. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est plus dans cette période d'huile solaire, de crème solaire. Tout. Justement, la différence aussi entre... Parce qu'il y a peut-être des personnes qui... Oui, on en a parlé au début d'émission, hein, qui vont prolonger l'hydratation par l'après-soleil. Oui. Ça va. Oui. Mais vous dites aussi, parce que je pense, je ne sais pas si vous l'avez dit sur antenne, que l'un n'empêche pas l'autre. L'après-soleil n'empêche pas le fait d'utiliser une crème. Non, mais vous utilisez l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez finir votre crème solaire, vous pouvez votre crème donc après soleil, vous pouvez le faire à la place de la crème hydratante après l'été. Et puis c'est des crèmes qui sentent souvent bon, donc ça rappelle encore un petit peu l'été. Donc pourquoi pas. C'est vrai que ça a un parfum d'été, oui, hein, les crèmes solaires. Bon d'accord, très bien. 070 23 33 23 SMS 30 63. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et classe. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. C'est vert. Eh oh, c'est vert. Quoi ? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info, ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Encore un hors-série Télépro, les meilleurs trucs et astuces de grand-mère. 250 bons plans pour entretenir la maison, le jardinage, la cuisine, la santé ou les nouvelles technologies. Des formules parfois oubliées avec des ingrédients peu coûteux, naturels et faciles à trouver. Hors-série Télépro, les meilleurs trucs et astuces de grand-mère, actuellement en librairie. Tu l'as lu, t'as tout vu. Comme tout le monde, vous savez que Spa-Francorchamps, c'est le plus beau des circuits. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un endroit magique pour organiser un séminaire, un banquet de fin d'année, un lancement de produits ou une fête familiale. Spa-Francorchamps, une multitude de solutions pour l'organisation de votre événement. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. A price to pay. Now they're taking you away. Might as well take me down, down to hell, for I don't care. They can put me anywhere. Throw away the key. Definite line, cutting a dash, cutting it fine. And once, only once, did I lose control. I gave her my soul, and I gave, and I gave, and I gave her my soul. Till today, now I feel a cold decay crawling over me. Over me. No one can have more than they do. I wanted you. Only the very best. No other interest. This is the way he should remain. Never feeling any pain. Never growing old. One, your night is here. Mine is drawing very near. Oh, it's getting cold. Peter Kingsbury avec Only the Very Best sur Vivacité. Je viens de mettre en ligne le lien de votre guide paru chez Marabout. Voilà, le guide. Merci. Beauty Food, donc vraiment le rapport. Et si les recettes de cuisine, toutes simples, pouvaient nous rendre encore plus belles ? Eh bien oui, dites-vous dans ce livre, et c'est vrai qu'il y a un an, je vous recevais pour parler de cela, la beauté de notre peau qui vient aussi en grande partie de notre alimentation. Voilà, on en a parlé tout à l'heure avec l'une ou l'autre question arrivée de la part d'auditeurs. auditeurs. Alors, question par rapport au masque de grossesse. C'est une auditrice qui nous parle de ça. Depuis ma dernière grossesse il y a 6 ans, j'ai un masque de grossesse qui est devenu permanent. Quel traitement ? Laser, c'est efficace ? Demande-t-elle. Alors les traitements sur le... D'abord, le masque de grossesse, il peut survenir après une grossesse ou pendant une grossesse, mais il peut survenir aussi en dehors de tout contexte de grossesse. On parle alors de mélasma et non pas de masque de grossesse. D'accord. Et ce sont des taches brunes, irrégulières, qui sont sur le front, autour des yeux, sur la lèvre supérieure, et qui donnent ce côté un peu complètement inhomogène au niveau de la peau. Et la plupart du temps, ça ne disparaît pas si on ne le traite pas. Sauf que c'est compliqué de le traiter et que c'est vraiment maintenant, à la rentrée, même bronzée, qu'il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'il va falloir aller voir son dermato, faire des préparations dépigmentantes qui sont à base d'hydroquinone, qui est la molécule de référence par rapport à la dépigmentation, et puis encadrer cette préparation avec des peelings dépigmentants pour justement enlever ce masque de grossesse. Et c'est vraiment maintenant, en septembre, parce que la lumière va diminuer, qu'on veut s'en occuper jusqu'au mois de mars, où là, on est vraiment tranquille. C'est cette période-là où on peut vraiment s'en occuper. D'accord. Alors, au niveau des grains de beauté, John nous dit « J'ai 45 ans, je suis roux. Comment remarquer, après avoir été au soleil, que les grains sur ma peau ne sont pas des grains cancérigènes ?» Voilà. De faire la différence entre des grains apparus sur ma peau après une exposition au soleil et des grains cancérigènes. Je ne sais pas de quel grain il parle. Ah, c'est des grains de beauté, oui. Alors effectivement, de toute façon, il a une peau qui est très claire. Donc, par définition, on aime mieux le voir à l'ombre qu'au soleil. Oui. Mais bien sûr, il va aussi aller à la plage, il va avoir une exposition solaire. Donc, je pense que le conseil qu'on peut lui donner, c'est d'une part de faire checker ses grains de beauté, de faire vérifier l'ensemble de son revêtement cutané justement à la rentrée. C'est la bonne période pour le faire, pour voir s'il n'y a pas des lésions qui pourraient être pas forcément bénigne. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'il demande à son dermato de regarder, de lui dire quelles sont exactement ces petites lésions qui sont à surveiller éventuellement, pour que lui aussi, dans sa salle de bain, puisse faire cet auto-examen. C'est ça qui est important aussi. On insiste aujourd'hui beaucoup sur l'auto-examen, le fait de se dire, tiens, ce grain de beauté, il n'était pas aussi gros, il n'était pas aussi foncé. Ouais, c'est ça qui est important aussi. D'accord, très bien. La mycose des ongles de pied. C'est que vous vouliez en parler. C'est vrai qu'on a caché nos ongles de pied sous l'été, tout l'été sous un vernis. Attention, dites-vous, de bien faire des traitements jusqu'au bout. Oui, en fait, les mycoses des pieds, notamment des gros orteils, c'est quelque chose de très récidivant. Souvent, les patients ont du mal à aller jusqu'au bout du traitement parce que c'est très long. Ouais. Il faut savoir quand même qu'un gros orteil, il met jusqu'à 12 mois pour se renouveler complètement. Donc, du coup, le temps de traitement est très long pour obtenir un résultat satisfaisant. Et puis, souvent, les gens abandonnent. Donc, vraiment, il faut s'en occuper parce que c'est pas parce qu'ils sont dans les bottes ou les chaussures fermées qu'il faut les oublier. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. C'est vrai que ça ne pousse pas vite, hein, les ongles de pied, par rapport aux ongles de main. C'est celui qui, le gros orteil, c'est celui qui pousse le plus lentement. Encore moins lentement que le petit ? Alors, oui, c'est vrai que vous avez raison, il ne pousse pas très très vite non plus. Mais comme il est plus gros, ça se voit plus. Voilà, il est gros, et puis c'est sur celui-là, sur le ventre, il y a une mycose, donc. Bon, d'accord. Vous connaissez mieux celui-là, puisque vous le traitez. C'est cela. Voilà, c'est ça, j'ai bien compris. Bon, un petit orteil, voilà. Bien, nous parlons avec Nadine Pomared de tous ces conseils depuis 13 heures. Il y a beaucoup de choses qui ont été formulées. Donc, si vous souhaitez réécouter l'émission, ce sera toujours possible, évidemment, via Ovio, via le podcast sur notre site vivacité.be. Wallonie en fête oblige. L'avenir va joser, causer et déviser Wallon le samedi 17 septembre. La une du journal sera traduite en Wallon pour l'occasion. De quoi être binoche ou content, hein ? L'avenir de ce samedi 17 septembre, un collecteur Wallon à ne pas manquer. L'avenir est au contenu. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival international du rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Feuille morte.

La conclusion, Nadine Pomarède, dermatologue, au niveau de la peau, donner de l'éclat encore plus à notre peau, c'est une bonne période ici pour faire le bilan et s'y mettre. Ah bah tout à fait, la rentrée, c'est le moment où l'on s'occupe c'est de sa peau. C'est mieux septembre que le 1er janvier. Hein. C'est exactement, mieux ouais. Tout à fait, c'est la bonne période, on surfe encore sur la bonne mine de l'été. C'est ça. Et donc du coup, on va pouvoir prendre les bons gestes, adopter les bons gestes pour bien prendre soin de sa peau voilà, et de ses cheveux. Et de ses cheveux. On n'a pas parlé des cheveux. C'est vrai. Vous voulez revenir parler des cheveux? Ah bah écoutez, je pense que c'est obligatoire. Bah super, bah voilà, on va regarder à nos agendas juste après. La crème hydratante, donc c'est vraiment le béaba quoi. C'est le béaba, on en met. On en met tous les jours, les jours, une fois, au moins une fois. Pas, peut-être pas deux fois, sinon la crème de nuit bien aussi. Oui, bien sûr. Hein? Oui, tout à fait. Non, on met de la crème, on exfolie aussi les couches superficielles de sa peau sur le corps, on peut le faire, et surtout, on mange aussi bien. On mange bien, voilà. Vous avez dit tout à l'heure les fruits, hein, les fruits colorés, les baies, tout ça, le kiwi. Vous avez dit la mâche, ça c'est bien, le brocoli, le thé vert, bien aussi, je bien pense. Bien sûr, riche en polyphénol, très bien, antioxydant. Très bien. Bien. Et vous avez dit quoi? Vous avez dit aussi. J'ai dit l'œuf. L'œuf. Oui. L'œuf. Oui. L'œuf. Alors l'œuf, franchement, l'œuf, c'est l'aliment incontournable. Il contient beaucoup d'oligo-éléments, il contient beaucoup de vitamines, notamment de vitamines du groupe B pour les cheveux, puisqu'on en parlait. Oui. Vraiment, c'est un très très bon aliment. Et ben voilà, une petite omelette avec des bonnes carottes quand même c'est ce soir. Hein. Voilà. Voilà mon repas du soir. Merci Nadine. Merci à vous Sylvie. C'était un vrai plaisir. Donc si vous souhaitez réécouter tous les conseils qui ont été donnés, vous réécoutez l'émission, bien entendu, sur dans quelques instants, c'est l'émission Aller-Retour qui s'installe. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon après-midi à tous. Les orages arrivent sur l'ouest de la Belgique et longent la frontière française. Et ils s'aventurent sur le pays. Ils vont donc traverser toutes les régions au fil des heures. On a encore un petit peu de chaleur qui résiste sur l'extrême nord. Et les orages pourraient être localement violents, accompagnés de coups de vent et de grêle. La tendance, retour au calme la nuit prochaine. Et demain, bien éclairci, passage nuageux. Le risque d'averse sera faible. Par contre, une zone de pluie devrait arriver en fin d'après-midi et soirée par le littoral. Il fera déjà plus frais, 20 à 24 degrés. Puis samedi et dimanche, encore des averses samedi, un temps plus sec dimanche. Et pour ces deux jours, un vent modéré et une moyenne de 16 à 19 degrés. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. L'info vous est présentée par Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Des craintes pour l'emploi dans de nombreux secteurs aujourd'hui. Prêt à porter pour MS Mode, services pétroliers pour le groupe Halliburton, bancaire pour ING. Le secteur du chocolat est aussi concerné par ces craintes. Barry Callebaut achète l'usine Côte d'Or de Hall. Les syndicats craignent des pertes d'emplois. La direction garantit les 300 emplois pour 3 ans, mais rien n'a été confirmé pour la suite. Une annonce de fermeture aujourd'hui, c'est également chez Doegberg. Le producteur de café veut fermer son site de Grimbergen. 274 emplois sont concernés. La direction justifie son choix. Selon elle, l'usine de Grimbergen est trop petite pour réaliser de grands volumes et trop chère pour des volumes spécialisés.